Carabine, la plus illustre des lorettes, celle dont la beauté fine et les saillies avaient arraché le sceptre du 13e arrondissement aux mains de Mademoiselle Turquet, plus connue sous le nom de Malaga, Mademoiselle Séraphine Ciné, tel était son vrai nom, était au banquier du Tillet ce que Josépha Mira était au duc d'Hérouville. Or, le matin même du jour où la Sainte Estève prophétisait le succès à Victorin, Carabine avait dit à du Tillet, sur les 7 heures du matin, « Si tu étais gentil, tu me donnerais à dîner au rocher de Cancale, et tu m'emmènerais Combabus. Nous voulons savoir enfin s'il a une maîtresse. J'ai parié pour, je veux gagner. » « Il est toujours à l'hôtel des princes, j'y passerai, » répondit du Tillet. « Nous nous amuserons. Et tous nos gars, le gars Bixiou, le gars Laura, enfin toute notre séquelle. » À 7h30, dans le plus beau salon de l'établissement où l'Europe entière a dîné, brillait sur la table un magnifique service d'argenterie fait exprès pour les dîners où la vanité soldait l'addition en billets de banque. Des torrents de lumière produisaient des cascades au bord des ciselures. Des garçons, qu'un provincial aurait pris pour des diplomates, n'étaient l'âge, se tenaient sérieux comme des gens qui se savent ultra-payés.